Chapitre 3. Partie historique de la poésie descriptive chez les modernes. Les apôtres avaient à peine commencé de prêcher l'évangile au monde qu'on vit naître la poésie descriptive. Tout rentra dans la vérité devant celui qui tient la place de la vérité sur la terre, comme parle saint Augustin. La nature cessa de se faire entendre par l'organe mensonger des idoles. On connut ses fins, on sut qu'elle avait été faite premièrement pour Dieu et ensuite pour l'homme. En effet, elle ne dit jamais que deux choses, Dieu glorifié par ses œuvres et les besoins de l'homme satisfaits. Cette découverte fit changer de face à la création. Par sa partie intellectuelle, c'est-à-dire par cette pensée de Dieu que la nature montre de toutes parts, l'âme reçut abondance de nourriture. Et par la partie matérielle du monde, le corps s'aperçut que tout avait été formé pour lui. Les vains simulacres attachés aux êtres insensibles s'évanouirent, et les rochers furent bien plus réellement animés. Les chênes rendirent des oracles bien plus certains. Les vents et les ondes élevèrent des voix bien plus touchantes. Quand l'homme eut puisé dans son propre cœur la vie, les oracles et les voix de la nature, jusqu'à ce moment, la solitude avait été regardée comme affreuse, mais les chrétiens lui trouvèrent mille charmes. Les anachorètes écrivirent de la douceur du rocher et des délices de la contemplation. C'est le premier pas de la poésie descriptive. Les religieux qui publièrent la vie des pères du désert furent à leur tour obligés de faire le tableau des retraites où ces illustres inconnus avaient caché leur gloire. On voit encore dans les ouvrages de saint Jérôme et de saint Athanase des descriptions de la nature qui prouvent qu'ils savaient observer et faire aimer ce qu'ils peignaient. Ce nouveau genre, introduit par le christianisme dans la littérature, se développa rapidement. Il se répandit jusque dans le style historique, comme on le remarque dans la collection appelée la Byzantine, et surtout dans les histoires de Procope. Il se propagea de même, mais il se corrompit parmi les romanciers grecs du Bas-Empire et chez quelques poètes latins en Occident. Constantinople ayant passé sous le joug des Turcs, on vit se former en Italie une nouvelle poésie descriptive, composée des débris du génie mort, grec et italien. Pétrarque, l'Arioste et le Tasse l'élevèrent à un haut degré de perfection. Mais cette description manque de vérité. Elle consiste en quelques épithètes répétées sans fin et toujours appliquées de la même manière. Il fut impossible de sortir d'un bois touffu, des antres frais ou des bords d'une claire fontaine. Tout se remplit de bocages d'orangers, de berceaux de jasmin et de buissons de roses. Flore revint avec sa corbeille et les éternels zéphyrs ne manquèrent pas de l'accompagner. Mais ils ne trouvèrent dans les bois ni les naïades ni les faunes. Et s'ils n'eussent rencontré les fées et les géants des morts, ils couraient risque de se perdre dans cette immense solitude de la nature chrétienne. Quand l'esprit humain fait un pas, il faut que tout marche avec lui, tout change avec ses clartés ou ses ombres. Ainsi, il nous fait peine, à présent, d'admettre de petites divinités là où nous ne voyons plus que de grands espaces. On aura beau placer la mante de Titon sur un char et la couvrir de fleurs et de rosées, rien ne peut empêcher qu'elle ne paraisse disproportionnée en promenant sa faible lumière dans ces cieux infinis que le christianisme a déroulés. Quel est-ce donc le soin d'éclairer le monde à celui qui l'a fait? Cette poésie descriptive italienne passa en France et fut favorablement accueilli de Ronsard, de Lemoine, de Cora, de Saint-Amand et de nos vieux romanciers. Mais les grands écrivains du siècle de Louis XIV, dégoûtés de ces peintures où ils ne voyaient aucune vérité, les bannirent de leur prose et de leurs vers. Et c'est un des caractères distinctifs de leurs ouvrages qu'on n'y trouve presque aucune trace de ce que nous appelons poésie descriptive. Ainsi repoussée en France, la muse des chants se réfugia en Angleterre, où Spenser, Waller et Milton l'avaient déjà fait connaître. Elle y perdit par degrés ses manières affectées mais elle tomba dans un autre excès. En ne peignant plus que la vraie nature, elle voulut tout peindre, et surchargea ses tableaux d'objets trop petits ou de circonstances bizarres. Thomson même, dans son champ de l'hiver, si supérieur aux trois autres, a des détails d'une mortelle longueur. Telle fut la seconde époque de la poésie descriptive. D'Angleterre, elle revint en France, avec les ouvrages de Pope et du chantre des Saisons. Elle eut de la peine à s'y introduire, car elle fut combattue par l'ancien genre italique, que Dora et quelques autres avaient fait revivre. Elle triompha pourtant, et ce fut à Delille et à Saint-Lambert qu'elle dut la victoire. Elle se perfectionna sous la muse française, se soumit aux règles du goût et atteignit sa troisième époque. Disons toutefois qu'elle s'était maintenue pure, quoique ignorée dans les ouvrages de quelques naturalistes du temps de Louis XIV, tels que Tournefort et le père du Tertre. Celui-ci a une imagination vive, joint un génie tendre et rêveur. Il se sert même, ainsi que La Fontaine, du mot de mélancolie dans le sens où nous l'employons aujourd'hui. Ainsi, le siècle de Louis XIV n'a pas été totalement privé du véritable genre descriptif, comme on serait d'abord tenté de le croire. Il était seulement relégué dans les lettres de nos missionnaires. Et c'est là que nous avons puisé cette espèce de style que nous croyons si nouveau aujourd'hui. Au reste, les tableaux répandus dans la Bible peuvent servir à prouver doublement que la poésie descriptive est née parmi nous du christianisme. Job, les prophètes, l'ecclésiastique et surtout les psaumes sont remplis de descriptions magnifiques. Le psaume « Benedic anima mea » est un chef-d'œuvre dans ce genre. « Mon âme, bénis le Seigneur, Seigneur, mon Dieu, que vous êtes grand dans vos œuvres. Vous répandez les ténèbres, et la nuit est sur la terre. C'est alors que les bêtes des forêts marchent dans l'ombre, que les rugissements des lionceaux appellent la proie et demandent à Dieu la nourriture promise aux animaux. Mais le soleil s'est levé, et déjà les bêtes sauvages se sont retirées. L'homme alors sort pour le travail du jour et accomplit son œuvre jusqu'au soir. Comme elle est vaste, cette mer qui étend au loin ses bras spacieux. Des animaux sans nombre se meuvent dans son sein, les plus petits avec les plus grands, et les vaisseaux passent sur ses ondes. Horace et Pindare sont restés bien loin de cette poésie. Nous avons donc eu raison de dire que c'est au christianisme que Bernardin de Saint-Pierre doit son talent pour peindre les scènes de la solitude. Il le lui doit parce que nos dogmes, en détruisant les divinités mythologiques, ont rendu la vérité et la majesté au désert. Il le lui doit parce qu'il a trouvé dans le système de Moïse le véritable système de la nature. Mais ici se présente un autre avantage du poète chrétien. Si sa religion lui donne une nature solitaire, il peut avoir encore une nature habitée. Il est le maître de placer des anges à la garde des forêts, aux cataractes de l'abîme, ou de leur confier les soleils et les mondes. Ceci nous ramène aux êtres surnaturels ou aux merveilleux du christianisme. Chapitre 4. Si les divinités du paganisme ont poétiquement la supériorité sur les divinités chrétiennes. Toute chose a deux faces. Des personnes impartiales pourront nous dire « On vous accorde que le christianisme a fourni, quant aux hommes, une partie dramatique qui manquait à la mythologie, que de plus il a produit la véritable poésie descriptive. Voilà deux avantages que nous reconnaissons et qui peuvent à quelques égards justifier vos principes et balancer les beautés de la fable. Mais à présent, si vous êtes de bonne foi, vous devez convenir que les divinités du paganisme, lorsqu'elles agissent directement et pour elles-mêmes, sont plus poétiques et plus dramatiques que les divinités chrétiennes. On pourrait en juger ainsi à la première vue. Les dieux des anciens, partageant nos vices et nos vertus, ayant comme nous les corps sujets à la douleur, des passions irritables comme les nôtres, se mêlant à la race humaine et laissant ici-bas une mortelle postérité. Ces dieux ne sont qu'une espèce d'homme supérieur, qu'on est libre de faire agir comme les autres hommes. On serait donc porté à croire qu'ils fournissent plus de ressources à la poésie que les divinités incorporelles et impassibles du christianisme. Mais en y regardant de plus près, on trouve que cette supériorité dramatique se réduit à peu de choses. Premièrement, il y a toujours eu, dans toute religion, pour le poète et le philosophe, deux espèces de déités. Ainsi, l'être abstrait, dont Tertullien et saint Augustin ont fait de si belles peintures, n'est pas le Jéhovah de David ou d'Isaïe. L'un et l'autre sont fort supérieurs au Théos de Platon et au Jupiter d'Homère. Il n'est donc pas rigoureusement vrai que les divinités poétiques des chrétiens soient privées de toute passion. Le Dieu de l'Écriture se repent, il est jaloux, il aime, il hait. Sa colère monte comme un tourbillon. Le Fils de l'homme a pitié de nos souffrances. La Vierge, les saints et les anges sont émus par le spectacle de nos misères. En général, le paradis est beaucoup plus occupé des hommes que l'Olympe. Il y a donc des passions chez nos puissances célestes, et ces passions ont cet avantage sur les passions des dieux du paganisme qu'elles n'entraînent jamais après elles une idée de désordre et de mal. C'est une chose miraculeuse sans doute qu'en peignant la colère ou la tristesse du ciel chrétien, on ne puisse détruire dans l'imagination du lecteur le sentiment de la tranquillité et de la joie, tant il y a de sainteté et de justice dans le Dieu présenté par notre religion. Ce n'est pas tout, car si l'on voulait absolument que le Dieu des chrétiens fût un être impassible, on pourrait encore avoir des divinités passionnées aussi dramatiques et aussi méchantes que celles des anciens. L'enfer rassemble toutes les passions des hommes. Notre système théologique nous paraît plus beau, plus régulier, plus savant que la doctrine fabuleuse qui confondait hommes, dieux et démons. Le poète trouve dans notre ciel des êtres parfaits, mais sensibles, et disposés dans une brillante hiérarchie d'amour et de pouvoir. L'abîme garde ses dieux passionnés et puissants dans le mal, comme les dieux mythologiques. Les hommes occupent le milieu, touchant au ciel par leurs vertus, aux enfers par leurs vices. Aimés des anges, haïs des démons, objet infortuné d'une guerre qui ne doit finir qu'avec le monde. Ses ressorts sont grands, et le poète n'a pas lieu de se plaindre. Quant aux actions des intelligences chrétiennes, il ne nous sera pas difficile de prouver bientôt qu'elles sont plus vastes et plus fortes que celles des dieux mythologiques. Le Dieu qui régit les mondes, qui crée l'univers et la lumière, qui embrasse et comprend tous les temps, qui lit dans les plus secrets replis du cœur humain, ce Dieu peut-il être comparé à un Dieu qui se promène sur un char, qui habite un palais d'or sur une montagne et qui ne prévoit pas même clairement l'avenir? Il n'y a pas, jusqu'au faible avantage de la différence des sexes et de la forme visible, que nos divinités ne partagent avec celles de la Grèce. Puisque nous avons des saintes et des vierges, et que les anges de l'Écriture empruntent souvent la figure humaine. Mais comment préférer une sainte, dont l'histoire blesse quelquefois l'élégance et le goût, à une naïade attachée aux sources d'un ruisseau? Il faut séparer la vie terrestre de la vie céleste de cette sainte. Sur la terre, elle ne fut qu'une femme. Sa divinité ne commence qu'avec son bonheur dans les régions de la lumière éternelle. D'ailleurs, il faut toujours se souvenir que la naïade détruisait la poésie descriptive, qu'un ruisseau représenté dans son cours naturel est plus agréable que dans sa peinture allégorique, et que nous gagnons d'un côté ce que nous semblons perdre de l'autre. Quant au combat, ce qu'on dit contre les anges de Milton peut se rétorquer contre les dieux d'Homère. De l'une et de l'autre part, ce sont des divinités pour lesquelles on ne peut craindre, puisqu'elles ne peuvent mourir. Mars renversé et couvrant de son corps 9 arpents, Diane donnant des soufflets à Vénus, sont aussi ridicules qu'un ange coupé en deux et qui se renoue comme un serpent. Les puissances surnaturelles peuvent encore présider au combat de l'épopée, mais il nous semble qu'elles ne doivent plus en venir aux mains. Or, dans certains cas, qu'il n'appartient qu'au goût de déterminer. c'est ce que la raison supérieure de Virgile avait déjà senti il y a plus de 1800 ans. Au reste, il n'est pas tout à fait vrai que les divinités chrétiennes soient ridicules dans les batailles. Satan, s'apprêtant à combattre Michel dans le paradis terrestre, est superbe. Le dieu des armées, marchant dans une nuée obscure à la tête des légions fidèles, n'est pas une petite image. Le glaive exterminateur, se dévoilant tout à coup aux yeux de l'impie, frappe d'étonnement et de terreur. Les saintes milices du ciel, sapant les fondements de Jérusalem, font presque un aussi grand effet que les dieux ennemis de Troie assiégeant le palais de Priam. Enfin, il n'est rien de plus sublime dans Homère que le combat d'Emmanuel contre les mauvais anges dans Milton, quand, les précipitant au fond de l'abîme, le Fils de l'homme retient à moitié sa foudre, de peur de les anéantir.